Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors ce soir, on va retrouver les artistes, les artisans d'art. Hein. Je crois que c'est le mot qu'il faut retenir, Bernadette. Artisans d'art, Eddie, ça vous va? Oui. Qui vont exposer donc pour le marché de Noël à l'espace Gamme Vert à Béchamp. Enfin, je situe Béchamp parce que c'est plus facile que dire la route. Tout le monde connaît Béchamp, hein, je pense. Voilà, vous présentez, Bernadette, s'il te plaît. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, moi je suis venue vous présenter ce marché de Noël qui se situe donc à Gamme Vert du vendredi 13 au 24 décembre 2019. Voilà, donc ce marché va être ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h. Et cette année, exceptionnellement, il va être ouvert donc les dimanches 15 et 22 décembre de 14h à 18h. Voilà pour les horaires. Donc ce marché rassemble des artisans d'art, effectivement, des producteurs, des écrivains également. On va vous donner un petit peu la liste ultérieurement. On va y revenir. Voilà. Je vois bien qu'Eddie se présente aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Guémozo. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à Bernadette de m'avoir invité au pied levé, un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Enfin bon, je suis habitué au supérieur à rien vriller derrière un micro, donc je vais y arriver à me débrouiller. Je suis verrier, voilà, artisan verrier. Et je serai, entre autres, au milieu d'un certain nombre d'autres exposants. Je crois qu'on est 20, ça y est, je sais plus, j'ai bouffé. On est 24, voilà, exposés. 24 exposants, voilà, c'est... Au marché de Noël de Gamme Vert, voilà. Alors, une question tout de suite, parce que avant que Bernadette aborde les différentes activités qu'on pourra retrouver là-bas, les différents artisans d'art qu'on pourra retrouver là-bas, c'est vrai que beaucoup de personnes ignoraient sur les... L'an passé, hein, parce que je ne peux pas parler des années précédentes, parce que j'avais pas vraiment assisté au marché de Noël à Gamme Vert. Hein, on a l'impression quand même que ça manque un petit peu de publicité. Alors, on peut revenir rapidement sur le pourquoi du comment. Pourquoi un marché de Noël dans le magasin de Gamme Vert? Voilà. En fait, l'histoire est simple. Il y a 3 ans, les artisans et les producteurs donc s'installaient à la Halle du Volontaire à Remiremont pour ce traditionnel marché de Noël. Et cet espace ayant été dédié à une autre activité, tous ces artisans se sont retrouvés sans lieu pour faire le marché de Noël. Les chalets qui sont proposés ne conviennent pas forcément à ce qui est vendu ou proposé. Et donc, ce groupe d'artisans s'est constitué dans une sorte d'association pour trouver un espace. Il n'y a pas eu d'espace proposé en centre-ville. C'est pour cette raison que le marché a lieu dans le magasin Gamme Vert, puisque par un effet un petit peu d'échange, un petit peu de hasard, le magasin Gamme Vert a proposé à ses artisans de mettre à leur disposition une serre. Donc une serre entière est vidée dans le magasin et le marché de Noël est installé là. Voilà, tout simplement. Et c'est donc la 3e année maintenant. Ça répond effectivement à la question d'un certain nombre de personnes. Pourquoi faire un marché de Noël à l'extérieur du centre-ville? Ben, la réponse, c'est ça. Il n'y avait pas d'autres endroits pour installer ces artisans et ces producteurs et leur permettre de vendre leur production, tout simplement. Alors, il y a un moins, j'allais dire, c'est que c'est assez éloigné du centre-ville, encore que c'est toute une zone... commercial qui se trouve à Béchamp. Mais le plus aussi, c'est qu'il y a des parkings, hein, ce qui n'est pas forcément le cas au centre-ville, où il y a quelques difficultés pour se stationner, pour ceux qui viennent des vallées en particulier. Voilà. Oui. Donc, outre la serre qui ne sert pas, mais qui sert de marché de Noël, c'est vrai qu'un des avantages marquant du marché, enfin celui de gamme vert en tout cas, c'est d'avoir de la place pour se garer. Voilà. C'est d'avoir la place pour se garer. C'est un atout considérable. Et puis d'avoir un peu de chauffage quand même. Oui, d'être dans chaud, un espace abrité et chauffé. Oui. Il peut y avoir toutes les intempéries qu'on veut. Force 5, force 6, force 7, ça n'a aucune importance. Que... Ça va être signalé de l'extérieur, ce marché de Noël ? Oui, alors à l'extérieur, il y a un calicot assez important, voilà, qui est installé, qui était déjà installé l'année dernière. Il y a aussi une documentation qui a été envoyée à toutes les personnes qui sont clientes dans le magasin. Il y a également des flyers, des tracts et des affiches qui ont été distribués dans tout le secteur par les artisans et par les producteurs eux-mêmes, puisque dans cette association, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce groupe d'artisans et de producteurs se réunit plusieurs fois dans l'année pour préparer ce marché, préparer la publicité, voir comment on s'organise, comment on s'installe. C'est une complémentarité qui s'effectue avec les gérants du magasin Gamme Vert, et on peut dire que tout ça se passe... en très bonne intelligence, et l'ambiance est très agréable. Moi, j'ai intégré le marché l'année dernière et c'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est pour ça que je reviens cette année, c'est que l'ambiance à l'intérieur du marché est fort agréable et conviviale. L'accueil est assuré. J'ai pu le constater puisque l'an dernier, j'ai pris du sang. J'ai différents... J'ai pas pu prendre tout le monde. J'ai pas pu faire parler tout le monde parce que c'était trop important. Mais là, j'ai trouvé vraiment, j'ai découvert de mon côté ce marché de Noël, et j'étais vraiment passionné par ce qui était exposé, etc. Ça mérite vraiment, vraiment le détour, hein, parce que on est tous sur des créations quasiment uniques, hein, et donc c'est. C'est quand même particulièrement, particulièrement valable. Voilà, alors tu pourrais nous parler, Bernadette, des différents exposants, avec quelques petits commentaires. Vous vous connaissez quand même, vous avez eu l'occasion de faire, c'est à peu près les mêmes que l'an dernier. Oui, en grande partie, ce sont les mêmes artisans, les mêmes producteurs. D'autres personnes vont venir cette année nous rejoindre. Alors, je vais donner une liste. Alors, on a des gens des Vosges et puis on a des gens aussi de la Haute-Saône. Voilà, on a Nicole. Un petit coucou à Nicole. Un petit coucou à Nicole qui vient de La Rosière, donc qui est céramiste, qui nous propose ces réalisations très, très, très, très intéressantes et toujours avec des nouveautés. Voilà. On a également. Je me permets un petit aparté. Nicole, j'ai reçu Nicole il y a quoi, 2 ou 3 mois de cela. Je crois ici, on a parlé justement de son activité assez longuement. Voilà, c'est pour ça que je lui fais un petit coucou en passant. Si jamais elle peut nous écouter, elle peut nous écouter, bien sûr, sur Internet en particulier, parce que je ne suis pas à La Rosière, ça passe mal. Voilà. Ensuite, on a Véronique Péduzzi qui va venir avec cette année à nouveau des chapeaux. Et cette année, elle ajoute des sacs et des bijoux à sa production. Il faut souligner que tout ce qui est présenté, ce sont des réalisations des artisans du secteur. En ce qui concerne Véronique, je me permets aussi d'ajouter qu'on l'a invitée, mais ça date déjà de plus d'un an de cela, ici, à la Radio Guémozo, pour qu'elle nous parle un peu de son activité. Tout à fait. Et donc, à côté de Véronique, on va retrouver Odile Cherlaine. Donc, elle qui nous propose un stand de confiture, de sirop de bluée, framboise et mûres. Voilà, tout ça dans des petits paquets cadeaux joliment réalisés. Voilà. Et de Vecoux, non ? Qui est de Don Martin Lermiremont. Voilà, qui est de Don Martin Lermiremont. Et puis, comme l'année dernière, on aura Olivier qui va venir avec ses cookies et ses biscuits. Voilà, nous régaler. Tout ça fait maison, bien sûr. Donc, ça s'appelle Cookies & Co. Donc, vous le retrouvez aussi sur différents marchés, entre autres le marché de Thiéfos, pour ne pas le nommer, qui est également un marché de producteurs et d'artisans qui a lieu tous les samedis matins. Voilà, un petit peu de pub pour Thiéfos au passage. Voilà. Ensuite, Ben, nous aurons Léo et Norine qui vont nous présenter, qui ont proposé des crêpes hein, pour les petites pauses sucrées dans la journée. Alors, ils viennent de Julien Rue. Et là, on va pouvoir avoir du café, du chocolat. L'année dernière, on avait du jus de pomme chaud qui était aussi très agréable. Et un petit peu plus loin, les commerçants gardent un petit peu les mêmes espaces que l'année dernière. Il y a quelques changements, mais pas loin de Norine, il y aura la ferme de Chèvre-Roche. Voilà, alors Brigitte et Michael vont nous proposer leurs produits transformés justement à la ferme. Hein, produits de canard, foie gras, rillettes, des confits. D'ailleurs, j'ai eu un petit mail aujourd'hui. Il m'a dit « je ne peux pas venir à Radio Guémozo parce qu'on est sur la transformation et la préparation du marché ». Ce que tout le monde est en train de faire d'ailleurs en ce moment. Voilà, des terrines de veau et d'agneau, enfin des produits excellents. Alors, la ferme de Chèvre-Roche, pour ceux qui connaissent, c'est sur la route du Haut du Taux, hein, au-dessus de Vanier. C'est la commune de Vanier encore. C'est la commune de Vanier, voilà. Et il y aura aussi, je pense cette année, peut-être de la laine aussi, qui est la production aussi de la ferme de Chèvre-Roche. Voilà. C'est un site magnifique, entre parenthèses, Chèvre-Roche. Tout à proximité, fait. Il y a ces fameuses voilà. Roches de pudding. Michael et Brigitte Hensen, qui sont donc dans ce bel endroit de la ferme de Chèvre-Roche. Voilà. Alors, on a des gens de Fougerolles, toujours, qui viennent. C'est la ferme du Géchou, voilà, qui nous propose alors tout un stand de fumée au feu de bois, les gondoyaux, l'andouille du Val d'Ajol, la cancoyotte, enfin, toutes sortes de bonnes choses. Alors, il y a à la fois ces produits qui sont de leur production. Il y a également un stand, je cherche là où c'est noté, voilà. Il y a des produits aussi, des confitures et des vins de Franche-Comté, voilà. C'est aussi le même stand, mais qui est un petit peu partagé en deux sur sa production, voilà. Et puis, bah, tout à côté, on aura Gérald et David Amann qui vont nous montrer et nous proposer à la vente des jeux en bois, des créations en bois. Ça s'appelle l'arbre à ivoire. Alors là, il y a des jeux d'adresse, des bijoux, des objets utilitaires, des planches à découper. Enfin, tout un stand assez impressionnant qui est proposé par Gérald, David et également Jackie Amann. On le retrouve souvent sur des marchés. Voilà, j'en profite au passage pour remercier Gérald et Jackie qui sont très actifs sur la préparation de ce marché de Noël et qui centralisent un petit peu toutes les informations, qui donnent beaucoup de leur temps pour que tout se passe le mieux possible. Voilà. Donc, et Jackie est aussi l'animatrice de la bibliothèque. Oui, voilà. Responsable, animatrice de la bibliothèque de Romirom. Voilà, donc j'en profite pour les remercier pour l'investissement qu'ils donnent, qui profite effectivement à tous les exposants de ce marché. Alors après, je vais parler de l'atelier de Planois, que je connais depuis très longtemps. Ce sont un petit peu des voisins pour moi, ils sont du côté de Planois. Philippe et Christine Quintard-Marbacher, donc qui proposent depuis pas mal d'années maintenant, des magnifiques jouets en bois. J'avoue que j'ai un faible particulier puisque je suis une de leurs clientes depuis une trentaine d'années déjà. Et il y a toujours des nouveautés. J'ai toujours du plaisir à les retrouver sur les marchés avec de nouvelles choses. Un très beau stand à découvrir. Voilà. Alors, n'oublions pas... C'est pratiquement en plein centre de Planois. Hein. C'est juste oui, quand on sort en montant la Croix des Moinas. Oui, à la sortie, en montant la Croix des Moinas. Voilà. Ils font également des démonstrations pendant les vacances. Voilà, une activité. Ils ont récemment une opération porte ouverte. Hein, mais là, on n'a pas eu le temps matériel de les inviter. Hein. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus autour des micros de Radio Guémozo. Dans le domaine des jouets en bois sur le secteur des Vosges, ils ne sont pas tout seuls, mais c'est de loin ce qu'il y a de mieux. Franchement, leurs décors sont somptueux. Ah oui, c'est vraiment du beau boulot. Une grande expérience. Hein. Et croyez-moi, moi qui suis avare de compliments, si je le dis, c'est que c'est vrai. Ce que je trouve intéressant dans leur travail, c'est que pour les suivre depuis un certain nombre d'années, et dans une autre vie, j'étais directrice de crèche et dans une autre région, et je ne manquais pas l'été de venir les voir et de leur acheter des jeux pour les enfants de la crèche où je travaillais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont gardé, tout au long des années, tout en apportant des nouveautés, ils ont gardé la fraîcheur du début et la beauté de ce dessin, de cette coupe, voilà, qu'on aime à retrouver. En tout cas, voilà, c'est très, très intéressant. Alors, en allant un petit peu plus loin sur mon petit papier, parce que bon, 24 exposants, j'ai mes notes pour n'oublier personne, bien évidemment. Donc, on va aller du côté de Sapois, dans la ferme aux herbes, qui propose un stand de tisane, de toutes sortes de choses préparées par leurs soins, par Laurent et Catherine Altel. J'ai eu l'occasion de suivre un petit stage de 2-3 heures sur l'utilisation des plantes sauvages et comment on peut les mettre dans son assiette et faire des préparations. Et c'était vraiment très, très, très intéressant. Et la dégustation à la fin valait le déplacement à elle seule, quoi, hein. Voilà, donc on va les retrouver également avec toutes leurs préparations, leurs sirops également. Leurs sirops, les tisanes, je crois que c'est... Les confitures. Les confitures aussi, voilà, toutes sortes de productions faites à Sapois, à la ferme aux herbes. Je peux ajouter quelque chose, c'est qu'on connaît bien Laurent, qui est pratiquement des partenaires de notre radio locale, hein, en sachant bien qu'il a eu un très gros travail pour organiser la fête des simples. On l'a invité, oui, il y a quoi, un peu plus d'un mois de cela. Bientôt 2 mois, ça passe tellement vite. Hein, et puis cette fête des simples a réuni quand même un nombre de producteurs de plantes qui était assez impressionnant à Cornimont, avec 6000 personnes à peu près qui ont défilé vers les stands. Hein. Tout Cornimont était vraiment envahi par la foule à ce moment-là. Et c'était vraiment très intéressant, cette fête des simples. Et Laurent, donc, est très réputé donc pour la production, effectivement, d'herbes médicinales, de baumes, d'huile, oui. Hein, et puis de sirop, de confiture, etc. etc. Je sais qu'il a pu... Il est venu plusieurs fois. On le considère un peu comme un partenaire à RGM, hein, depuis un moment. Hein, un petit coucou donc à Laurent et puis à Catherine. Alors, la plus... Que vous retrouverez justement sur le marché de Noël de Gamvert. Alors la plupart effectivement de ces producteurs, de ces artisans d'art, de ces artistes sont connus par les gens du secteur, puisqu'on va les retrouver justement sur toutes les manifestations qui laissent la place à l'artisanat et à la fabrication maison. Hein, un sujet qui est très cher pour Eddy, hein, de promouvoir l'artisanat local, le fait maison. On est effectivement dans une époque où beaucoup de gens s'interrogent sur leur consommation, comment on consomme, qu'est-ce qu'on achète, etc. Et ce marché, pour moi, est intéressant puisqu'il met à l'honneur la production locale et le savoir-faire local. Ah, je ne te contredirai pas. Je ne peux qu'abonder dans ce sens. Mais je ferai les remarques désagréables plutôt en fin d'émission. Quand je dis désagréable, je me comprends. Hein. Rassurez-vous, je ne vais pas lancer de scud comme ça sans prévenir. C'est juste parce que je suis... vous m'avez déjà invité plusieurs fois pour parler des métiers d'art. Et je mets toujours un point d'honneur à expliquer et à réexpliquer et à réexpliquer encore la différence entre artisan et artisan d'art. Parce que... Eh bien, parce qu'il est nécessaire de le faire pour que les gens comprennent, un, ce qu'ils achètent, à qui ils l'achètent, comment c'est fabriqué, comment la personne en est arrivée au stade. Enfin bon, voilà, on verra ça quand on aura fini de faire la présentation. Je pense que c'est important, c'est important de le préciser, même si on est parfaitement conscient qu'au marché de gamme vert, on n'a pas affaire à... C'est-à-dire l'artisan d'art, c'est de la création. Hein, non, on n'est pas dans des objets faits en série. Non, artisan d'art, c'est un statut déjà pour c'est commencer. C'est un statut, oui. C'est-à-dire que... Bon, bah, tant pis, j'explique. Hein. Oui, explique. En France, on a la désagréable manie, mais ce n'est pas de la faute des gens, c'est par manque de communication sur le sujet, de confondre allègrement artisan d'art. À la limite, je comprends qu'on puisse faire la confusion, mais on peut aussi confondre loisirs créatifs et artisanat d'art, et là, c'est déjà beaucoup plus délicat. Parce que artisan d'art, ça nécessite d'abord, il y a une définition précise, c'est-à-dire que c'est un professionnel diplômé qui exerce son métier et qui n'a que cette activité comme activité principale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres métiers à côté. Sinon, il n'est pas artisan d'art, il est auto-entrepreneur artisan, il est tout ce qu'on veut sauf artisan d'art. Et que tout ça est régi par des lois. La dernière en date, c'est un décret qui date, comme par hasard, du 24 décembre, donc le jour de Noël de 2015, qui n'est pas si vieux que ça, et qui donne la liste exacte des 217 métiers, c'est très précis, qui ont le droit de porter d'être reconnu comme métier d'art, ce qui, bien entendu, exclut tous ceux qui ne sont pas dans la liste. Et croyez-moi, la liste, elle est effroyablement longue. Autre que les 217 métiers. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple pour ne pas faire la confusion ? Eh bien, en France, vous avez un métier qui s'appelle, je donne au pif, hein, que personne ne m'en veuille si j'oublie les autres, qui s'appelle orfèvre bijoutier. C'est un métier d'art reconnu, dont on a de moins en moins de représentants parce que les écoles qui enseignent ce métier d'art sont de moins en moins nombreuses. Mais par contre, on a... La plupart du temps, c'est des écoles privées. Oui, bon, mais il y a des écoles privées qui travaillent très bien. C'est pas le problème. Le souci, c'est qu'en France, après les chambres des métiers, rien que pour l'année 2018, on a une augmentation de plus de 600% des inscriptions en chambres des métiers comme bijoutier. Et ce sont tous, absolument tous, les 600% de la bijouterie fantaisie, autrement dit, pas de l'artisanat d'art. Voilà. Mais ça a des conséquences. On ne s'en rend pas compte, c'est que ça a des conséquences pour les vrais bijoutiers. Les vrais orfèvres bijoutiers qui eux, vont, un, apprendre leur métier pendant longtemps, obtenir un CAP, un BMA ou un DMA, qui après peuvent encore passer des concours encore plus hauts, comme le concours MOF, meilleur ouvrier de France. Et qui se retrouvent souvent confrontés à des gens qui font... Si tu veux bien, tu vas nous parler de ton activité. Je vous raconterai tout ça si, après. Tu vas nous parler de ton activité, hein, mais après une pause musicale, parce que ça fait un moment qu'on parle. C'est toujours très utile de le préciser. Je pense que c'est important d'en parler. Tu as raison. On y va. Cardos y ortigas, a la huella cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? Donde naces, florcita, que estás creciendo. Palomita asustada, grilló sin sueño. A la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. Thank you. días peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María. Eh bien, nous reprenons l'antenne et nous parlons bien sûr du marché de Noël qui aura lieu à Gamvert, le site de Béchamp, le site. Et puis du 13 au combien ? Bernadette, rappelle-moi la date. Alors, du vendredi 13 au 24 décembre. Voilà. Voilà, de 9h à 12h. Et on pourra retrouver bien sûr. Là, j'ai oublié au début de cette émission de parler des producteurs. J'ai parlé que des artisans d'art. Bon, voilà. Mais Bernadette a bien exposé donc les différentes activités qui pourront être visitées sur ce site de Béchamp. Voilà. J'aurais qu'Eddy quand même me parle un petit peu de son activité parce que. Puisqu'il est là, autant qu'il présente son activité. Autant que je pose mon café en essayant de ne pas le renverser. J'attendais que Bernadette ait fini de faire sa longue liste. Non, elle n'est pas longue, en fait. Enfin, elle est longue. Non, elle va continuer tout à l'heure. Elle va continuer pour, au moment où elle en serait arrivée à moi pour dire un mot. Vous me prenez à froid, là. D'accord. Bon, alors, je continue. Alors, vas-y. Bon, ben, voilà. Je suis donc verrier d'art. Artisan d'art, bah justement, puisqu'on en parlait. Et je serai présent au marché de Noël de Gamvert, donc du 13 au 24. Et je ne me contente pas, quand je dis, ce n'est pas un reproche aux autres, hein, je me contente pas de poser des pièces sur une table. En gros, on a la possibilité de faire fabriquer directement sur place, dans la limite du raisonnable, quelques objets en verre, puisque je ferai de la démonstration. C'est-à-dire que je viens avec mon matériel et je travaille devant les gens. Voilà. Donc, et dit un spectacle à lui tout seul. Oui, quand il est de bonne humeur. Faut venir le voir. Il paraît que je ne le suis pas. C'est pas vrai. Je ne suis pas grognon. Je ne suis pas du tout grognon. Voilà. Donc, c'est avec plaisir qu'on accueillera le public pour venir. Les enfants sont en règle générale ravis de voir fondre un bout de verre. Mais les adultes aussi, en fait. Donc, il ne faut pas s'approcher trop près, quand même. Ah, mais non, mais il y a de la sécurité. C'est pas le souci. Oh, on peut mettre. Non, ça craint rien. Il n'y a pas de projection. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas d'étincelle. Non, ce n'est pas des métiers dangereux. Ce n'est pas de la verrerie soufflée. Donc. On peut travailler en public sans souci et en sécurité de façon générale. Où fait ton choix de pause musicale, Bernadette ? Alors, mon choix de pause musicale, c'est un petit clin d'œil à l'Amérique du Sud. En ce moment, on pense beaucoup à eux. Il se passe quand même pas mal de choses là-bas. Et oui. Et puis, c'est aussi parce que j'aime bien Mercedes Sosa et que voilà, j'avais envie d'entendre ça pour Noël et autour de cette chanson, de ce chant qui, je trouve, est magnifique. Voilà, un petit clin d'œil. Voilà. On continue avec les 24 exposants. Alors voilà, il faut quand même bien repréciser, et Eddy l'a fait aussi, que sur le marché, on a des producteurs, on a des artisans d'art, peut-être un artisan d'art, je ne sais pas exactement la liste des artisans d'art de ce marché, mais voilà, ce qui fait la richesse de ce marché, c'est justement sa diversité. Sa diversité, pourquoi ? Parce que chaque stand est différent. Il n'y a pas plusieurs stands qui présentent la même chose. Chacun a une exclusivité. Et c'est ça qui est intéressant dans l'association, c'est que, en fait, les personnes qui arrivent apportent forcément de la nouveauté. Donc, vous allez avoir un choix pour vos cadeaux de Noël qui va de l'alimentation à toutes sortes de choses utiles, de choses décoratives, et voilà, qui vont être vraiment intéressants pour vos achats de Noël. Alors, je vais continuer avec le travail du cuir avec Jean-Noël Bayeux, qui vient de Rhin-au-Bois et qui présente un stand très intéressant de cuir, mais également il présente des fauteuils, puisqu'il est un travail de tapisserie, puisque Jean-Noël est également tapissier. Donc, c'est un stand qui est assez important et toujours intéressant. De l'autre côté du marché, on aura cette année à nouveau les présentations de Christelle Rogéro, que beaucoup connaissent dans la région et notamment à Remiremont, puisqu'elle s'occupe du marché du carnaval vénitien. Et donc, elle présente sur le marché de Noël des poupées vénitiennes et des masques et des objets qui sont en lien avec cette thématique qui lui est chère. Donc, je vais continuer avec Jean-Michel Gallo. Alors, lui vient de la Chapelle Les Luxeuils. Donc, ça, c'est nos commerçants qui viennent de la Haute-Saône. Alors, lui présente des minéraux, des bijoux, des savons, un stand également assez important avec toutes sortes de choses. Il y a aussi des produits de soins du corps, si mes souvenirs sont bons, par rapport à l'année passée. Alors, on continue avec la ferme d'Uxatis Amé, qui est bien, ils sont au syndicat. Beaucoup de gens aussi connaissent. C'est la route de Jorre, mais voilà, beaucoup à l'écart, bien sûr. Voilà, c'est une ferme. Pardon. Beaucoup de gens connaissent ce GAEC qui présente voilà, des fromages, tombes de montagne, du Munster fermier, des fromages de chèvre. Et je dois aussi signaler que Aurore d'Uxatis Amé a mis en place une page Facebook pour le marché de Noël. Alors, pour la retrouver, vous notez marché de Noël 2019. Ce n'est pas marqué marché de Noël Remiremont, mais marché de Noël 2019. Et vous arrivez sur la page Facebook qui est dédiée au marché de Noël qui se situe à Gamvert, le nôtre donc. Voilà. On a aussi Larissa, qui vient du Girmont-Val-d'Ajol, Larissa Manins, qui propose des escargots. Alors, c'est un stand qui est toujours très fréquenté, notamment au moment de l'apéritif, où un certain nombre de commerçants et d'artisans se retrouvent autour d'une petite bouteille et dégustent les escargots de Larissa. Voilà, j'étais à côté l'année dernière et je peux témoigner que c'était très convivial ce petit moment et bien attendu de la part d'un certain nombre d'exposants. On aura aussi Maxime, le photographe, j'ai envie de dire notre photographe. De Ventron. Voilà, lui qui vient de Ventron, voilà, qui est photographe depuis quelques années déjà, qui est installé à Ventron, c'est ça ? Oui. Voilà, qui propose une série de photographies des Vosges, essentiellement, qui avait eu du succès l'année passée. Donc, cette année, il va sans doute nous apporter des nouveautés. Et puis, merci à Maxime aussi, qui donne de l'ambiance sur le marché et qui assure aussi des échanges entre tout le monde avec sa bonne humeur et son sourire. On a également Alain Santo, qui est écrivain, que beaucoup connaissent, et qui va nous présenter son dernier livre. Alors, je crois que c'est un thriller. J'avais noté le titre quelque part et je ne le retrouve pas. Voilà, donc c'est un thriller qui se passe dans les Vosges. Voilà, donc il va nous présenter son livre. Et puis là, j'arrive sur ma petite liste à Eddy, alors c'est noté Maître Verrier ou Chalumeau. C'est noté aussi sur la liste des exposants Meilleur ouvrier de France. Alors, il ne va pas le dire parce qu'il est modeste, mais il n'est pas une fois Meilleur ouvrier de France, il est trois fois. comment c'est-il possible ? Il va peut-être nous l'expliquer. J'ai aucun mérite, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né à Baccarat, donc voilà. Ah, d'accord. Enfin, effectivement. Non, je rigole, ça c'est absolument pas lié, mais j'aurais pu faire autre chose comme métier. Mais il se trouve que, voilà, en l'occurrence, j'ai choisi la verrerie et j'ai fait un compagnonnage. Et voilà, j'ai commencé à faire du verre, je devais avoir 13 ans, donc voilà. J'en ai un peu plus de 50 aujourd'hui, je vous laisse faire le calcul. Mais on peut être trois fois meilleur de France, mais pas dans le même métier. Je tiens quand même à le préciser. Oui. Donc, je l'ai comme verrier scientifique, je l'ai comme verrier artistique et je l'ai comme concepteur designer dans les métiers de la terre et du verre. Alors, la terre et le verre, ça ne veut pas dire cultiver. Enfin, la terre. Ça t'arrive de participer à des vitraux, par exemple ? Ah, on peut, oui. Je métier de la verrerie, c'est tellement vaste, il y a plein. Bah oui. C'est vrai qu'il y a plein d'applications, mais en l'occurrence, je ne suis pas meilleur ouvrier de France vitrailliste. Je suis voilà. Concept design, c'est surtout dans la faïencerie, porcelaine et verrerie. Voilà. C'est pour ça qu'on dit métier de la terre et du verre. La terre, sous-entendu, la terre travaillée. Et alors pour répondre ou rebondir sur les propos de Bernadette tout à l'heure à propos de mon choix de ciblage sur les artisans d'art, je tenais quand même aussi à préciser que dans le marché de Noël de gamme vert, puisqu'on en parle et puisqu'on est en train d'établir la liste ou de l'éplucher ou de l'effleurer, Bernadette a parlé de tapissier-décorateur. Tapissier-décorateur est un métier d'art. Elle n'a pas encore parlé du cuir, mais je sais qu'elle va en parler. C'est si, un métier de travail du... Ah, c'est... Elle en a déjà parlé. D'accord, alors je l'ai zappé, je devais être absorbé par mon café, et non pas l'inverse. Donc c'est un métier d'art. Bon, le verre, c'est un métier d'art. On vient de parler de Maxime, il est photographe, et photographe est considéré comme un métier d'art. Ces tableaux, entre parenthèses, ces tableaux sont magnifiques. Ah ben oui, c'est un art de prendre une belle photo. Il ne s'agit pas d'appuyer simplement sur un bouton, même si des appareils photographiques aujourd'hui sont pleins de technologie. C'est coucher de soleil sur les Vosges. On a parlé des jouets en bois. Ça fait partie des métiers qui sont dans la liste des métiers d'art. On n'a pas parlé encore de la poterie, mais je crois qu'on a quelqu'un qui fait de la faïence. Si, c'est fait déjà. Si, Nicole. Nicole, voilà, c'est ça, qui fait de la faïence. Non, qui fait de la céramique, pardon. La céramique. Et la céramique fait partie des métiers d'art. Donc, on a des métiers d'art sur le marché de Noël. Voilà. Et on a des producteurs. Les producteurs locaux. En fait, si je tenais à faire la précision, c'était juste pour éviter à nos auditeurs ou à nos auditrices de se faire avoir quand ils vont sur les marchés de Noël, en règle générale très fréquentés. Très, très gros marché de Noël, je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de peine à nos amis alsaciens, dans lequel on trouve plus de poupouilles made in India ou made in China que de produits fabriqués à la main par des artisans d'art. Voilà, c'est juste pour dire, faites attention où vous mettez les pieds, ce que vous achetez. Voilà. Là, vous êtes sûr, au marché de Noël, à Remiremont, la gamme vert, pêchant, maison, voilà. de trouver des produits locaux, des artisans locaux, hein, des artisans d'art locaux. Voilà, il fallait souligner ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en fait la promotion dans cette radio locale, RGM. Alors, avant de continuer la liste, il me reste juste quelques personnes à présenter, mais je ne voudrais pas, il nous reste 20 minutes, et je ne voudrais quand même pas terminer cette présentation sans vous parler des associations qui vont participer cette année et pour la première fois au marché de Noël, donc qui vont pouvoir proposer du vin chaud. Un marché de Noël sans vin chaud, c'est vrai que ça manquait un petit peu. Donc là, cette année, nous aurons l'ADEMAT, que tout le monde connaît ici, qui est une association extrêmement active qui se bat pour le maintien de la maternité et de l'hôpital de Remiremont et qui ne ménage pas ses efforts. À ce sujet, si des personnes veulent venir participer à cet accueil au marché de Noël sous la bannière de l'ADEMAT, vous pouvez adhérer à l'association pour 2 euros et venir proposer du temps libre, votre temps pour servir du vin chaud. On aura également... Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à l'ADEMAT, hein, puisque oui, de toute façon, sûr. Je suis l'un des animateurs, que l'ADEMAT est partenaire de notre radio locale pour un magazine santé le 3e mardi du mois. Voilà. Et vous retrouverez l'ADEMAT, bien sûr. Et nous aurons également Asile 88 et les associations familiales des Vosges qui vont se relayer donc sur le stand des associations pour vous proposer du vin chaud. Ne pas oublier aussi, cette année, c'est une nouveauté. Il va y avoir un jeu, c'est Découverte du marché de Noël. Il y aura deux tirages au sort qui seront effectués les dimanches 15 et 22 décembre. Donc, chaque tirage au sort permettra de gagner un panier garni. Ce panier garni est rempli par tous les exposants du marché. Donc, c'est une petite découverte, une surprise sur le marché qui va vous faire aller d'un stand à l'autre sous forme de questions à poser aux exposants. Donc ça, je vous laisse venir au marché et découvrir ce jeu qui peut vous permettre de gagner deux paniers gourmands. Donc ça, je n'ai pas oublié. Donc, je peux continuer à parler des exposants. Donc, dans les exposants, il y aura cette année des personnes nouvelles avec une boulangerie, une chocolaterie qui vient de Nomexi, qui s'appelle L'Amour du Goût, qui va nous proposer un stand de chocolat qui, effectivement, manquait un petit peu, même si on a effectivement le stand aussi du marché Gamme Vert. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est accueilli et très bien accueilli par Gamme Vert, qui propose aussi ses produits pour ses fêtes de Noël. On aura également une nouveauté avec de la vannerie. Tresse le rêve, vannerie traditionnelle et créative. Une personne qui vient du Val d'Ajol et qui s'appelle Liliane Lepaul. Donc, vous allez pouvoir découvrir sur ce marché ou retrouver si vous la connaissez déjà. Et là, nous aurons également une nouveauté cette année avec du vin qui vient d'Alsace, de Winsenheim, Monsieur Bernard Stellé, qui va nous proposer un stand de vin d'Alsace. Alors, j'ai fait la liste de tous les exposants et il reste une exposante, ben c'est moi. Voilà, je ne me suis pas encore présentée. Il en manque une dans ta liste. Voilà. Il y a les produits africains aussi. Ah, il y a les produits africains. Si on oublie Yuma, oui, retourne la feuille, tu vas voir, oui, ça va aller. Voilà. Je leur fais un petit coucou en passant. Oui, tout à fait. Elle ne peut pas nous écouter directement, puisque ça vient de Gérardmer. Tout à fait. C'est une association des femmes africaines de Gérardmer qui propose de l'artisanat africain. Tout à fait. Nous étions plus voisines l'année dernière. Donc, surtout, non, il ne faut pas les oublier, effectivement. Voilà, donc là, il reste effectivement une exposante à présenter. Eh bien, c'est moi-même. Voilà, je suis créatrice textile et costumière essentiellement. Donc, je propose des costumes historiques à la location et à la réalisation. Donc, sur les stands en général, j'expose quelques costumes pour donner un petit peu une idée de mon savoir-faire. Et puis, j'ai un stand également d'objets textiles que je crée, que je réalise et que je propose également sur le marché. Voilà, moi, je suis installée à La Bresse depuis 2 ans, voilà, sur la route de Planois, où maintenant j'ai ouvert une petite boutique à côté de mon atelier. Et à titre indicatif et personnel, j'ai fait la connaissance de Bernadette donc l'année dernière dans le fameux marché de Noël de Gamme Vert. Et je lui ai confié la réalisation de quelque chose de bien particulier pour moi. Et je vais peut-être laisser Bernadette en parler. En gros, je lui ai demandé qu'elle me fabrique un kilt. Voilà. Alors maintenant, tu peux nous raconter l'aventure du kilt, parce que c'était quand même bien sympa. Oui, l'année dernière au marché, Eddie est venu me voir en disant « Est-ce que tu peux me faire un kilt ?» Bon, moi, je suis quand même un peu spécialisée sur les vêtements de la Renaissance et de la Renaissance italienne. Je fabrique toutes les époques. Hein. Ça va, la Belle Époque, la Renaissance. Là, je vais travailler sur le Moyen-Âge, puisque je vais costumer un mariage autour du thème du Moyen-Âge. Donc, je lui ai dit oui, mais sur le moment, sans trop réfléchir à comment se fait un kilt et en pensant que ça ne devait pas être si compliqué que ça. Je pense qu'elle a dû imaginer une mini-jupe plissée. Voilà, c'était un petit peu là. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on est parti pour cette aventure et en fait, il s'avère que faire un kilt, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout si on respecte tous les codes de cette fabrication. Mais c'était une belle aventure. Je ne regrette pas du tout d'avoir fabriqué ce kilt pour Eddie. Et si vous voulez des kilts, alors contactez-moi. Là, je suis au top. Je peux garantir que le résultat est plus que spectaculaire. Je porte des kilts depuis des années. En règle générale, quand ceux que je possède viennent d'Écosse. Et ben ma foi, notre Bernadette n'a rien à envier aux artisans écossais qui fabriquent des kilts, si ce n'est à la limite le tissu, mais c'est pas elle qui en est responsable. Elle m'a trouvé un très beau tissu. Ah puis il y a les accessoires quand voilà, même qui marquent le clan. Enfin tous les accessoires, ça c'est encore c'est autre chose. Réalisation pure et simple du kilt, les 7 mètres de tissu ont été travaillés par une main d'or là sur ce coup-là. Je dois quand même bien le dire. Et je suis vraiment ravi du résultat. Et je suis pas le seul. Voilà. On parle de tartan. Oui. Oui. Voilà. Ouais, oui. Alors, à ce propos, si vous me permettez, je vous raconter une anecdote. On était avec l'association Ballast à faire la Voie Verte. Hein, la fête de la Voie Verte. Et puis, dans la fête de la Voie Verte aussi, le deal qui était le nôtre, c'était de se déguiser. Se déguiser sur les vélos, bien sûr, et puis se déguiser, bien sûr, au stand de Ballast. Et puis, il y avait un copain, trop tôt disparu d'ailleurs, qui avait passé une grande partie de sa jeunesse en Écosse. Il avait été à l'université de Glasgow et il avait un kilt. Puis moi, naïvement, j'ai cru qu'un kilt, ça allait à tout le monde. Hein. En serrant la ceinture, comment on pourrait dire ? Eh ben non, c'est exactement comme une jupe et je n'ai pas pu rentrer dans le kilt. Alors je dis toujours, je comprends l'impression que peut avoir une femme qui n'arrive plus à rentrer dans sa jupe. Oui, ça, voilà. Voilà. Mais le kilt, paraît-il, se porte sans rien en dessous. Non, c'est une légende. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. C'est uniquement réservé aux militaires. Parce que l'anecdote que me racontait le copain, il disait que de toute façon, il n'en savait rien lui-même, mais qu'il y avait une conférence en Écosse, et puis qu'à un moment donné, une des personnes a dégringolé de son estrade, et certains ont pu voir qu'effectivement, il n'y avait rien en dessous. Non, c'est une tradition militaire. Mais enfin, bon, on s'éloigne du sujet du marché de Noël. On s'éloigne du sujet. Si vous voulez plus d'informations sur les kilts, vous venez au marché de Noël. Bernadette fait de très beaux kilts. Ah ben, tu en exposes. Alors, non, j'exposerai. Mais alors, je peux te le prêter, je pourrais l'exposer au marché de Noël, effectivement. Alors, juste un petit supplément, c'est que cette année, au marché de Noël, je vais proposer des vêtements, des robes de petites filles à la vente, cette fois. Puisque pour l'instant, ça n'était qu'une exposition pour que les gens puissent commander du fait maison. Cette année, je vais proposer quelques robes, surtout centrées sur l'époque Renaissance, pour des petites filles, 4 ans et 6 ans. Donc, si vous êtes intéressés, venez au marché, parce qu'il n'y en aura pas non plus beaucoup. Voilà. Je ne voulais pas non plus arrêter cette émission, sans parler de l'accueil du magasin Gamme Vert. Et oui, il faut assister, c'est vrai. Toute l'équipe de Gamme Vert, on a parlé beaucoup des artisans, extrêmement sympa. Mais il faut signaler que l'accueil est aussi convivial parce que toute l'équipe de Gamme Vert nous réserve un accueil qui est assez exceptionnel à mon sens, en partant de Christian, le responsable, et toute l'équipe autour de lui. Non seulement il nous libère une serre, mais il la décore. C'est décoré vraiment tout autour. Il nous soigne aux petits oignons pendant ce marché. Très disponible. On a la possibilité, nous avons une salle qui est mise à notre disposition pour pouvoir prendre notre repas sur place, puisque la plupart des exposants viennent de tout le département, voire d'autres départements. Donc, on a le plaisir de se retrouver tous les midis autour de nos paniers pique-nique et d'échanger ensemble, ce qui contribue aussi à l'ambiance générale du marché. Donc ça, je voulais vraiment remercier Christian et son équipe pour l'accueil qui est apprécié par tout le monde et qui se ressent aussi quand on vient sur le marché. Alors, toutes ces bonnes raisons font que, voilà, on vous attend. On vous attend donc du 13 au 24 décembre. Alors, c'est les horaires du magasin Gamme Vert, hein, 9h-12h, 14h-19h, avec des ouvertures les deux dimanches après-midi, de 14h à 18h. Alors, on va se raccorder une pause musicale, un chant de Noël, bien entendu. Je l'ai trouvé au petit matin, toute nue dans mes grands souliers. passer devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée, il n'y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar, ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, et elle m'a dit d'une voix très celle, bye bye au hasard Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Eh bien voilà, c'est reparti avec le marché de Noël qui se tiendra à Béchamp du 13 au 24. Hein, du 13 au 24, c'est ça ? Du 13 au 24, donc à Béchamp, dans le magasin Gamme Vert. Voilà, puis on a parlé longuement, bien sûr, des artisans, des producteurs qui exposent ces jours-là. Hein, et donc, en ce qui concerne les horaires, bon, ben, je pense que tu en as parlé assez longuement. Hein, on peut les rappeler quand même. Alors, on va rappeler à nouveau les horaires donc, de ce marché Noël qui se déroule. C'est ce qui est important pour nos auditeurs. Hein. Il faut qu'ils découvrent véritablement ce marché de Noël. Il est particulièrement intéressant. Alors, et puis en famille, bien sûr, parce qu'il y a des activités pour tous. Oui, puis préciser que l'entrée est gratuite. Et des activités gratuites. Non, l'entrée du marché de Noël. L'entrée est gratuite, bien sûr. L'entrée du marché de Noël est gratuite. Le parking est gratuit également. Mais le vin chaud n'est pas gratuit. Le parking. Ça y est, il y a autorisation pour le vin chaud. Alors, les déclarations. À consommer avec modération, bien entendu. Parce qu'en fait, ce sont des déclarations et non pas des autorisations pour le vin chaud. Oui. Donc, les déclarations des différentes associations sont en cours. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les réponses pour tout le monde. Mais les déclarations sont en cours. Donc, on espère pouvoir retrouver ces trois associations, l'ADEMAT, Asile 88 et l'Association des allocations familiales des Vosges. Donc on espère bien qu'ils vont être avec nous pour pouvoir proposer du vin chaud. Hein, on aura effectivement d'autres... Il y aura une petite restauration sur place. Il y a un espace avec des tables, des bancs. Il y a des espaces comme ça. Il y a deux espaces qui vont être installés cette année sur le marché, puisque cette année, le magasin Gamme Vert, les gérants du magasin Gamme Vert libèrent encore un petit peu plus de place. On va carrément... Monsieur, c'était quand même un peu serré. Voilà, on va utiliser carrément pratiquement la totalité de la serre. Hein, donc, il y aura deux espaces pour s'asseoir, et échanger et boire un verre. Et donc, dans un espace abrité et chauffé, ce qui est quand même agréable. Donc, sur ce marché. Donc, on espère que vous allez venir nous voir nombreux. pendant ces 12 jours quand même en continu d'ouverture. Oui, et puis pour la restauration, bien sûr, il y a des associations aussi qui vont être dans les chalets au centre de Remiremont. Il faut quand même en parler un tant soit peu. Le marché de Noël, c'est deux endroits différents, mais ce n'est pas du tout les mêmes activités, bien entendu. Hein. Voilà. Que dire encore ? Ben, donnez rendez-vous, bien sûr, à toutes et à tous, sur le marché de Noël à Gamvert. Voilà. Et puis pour ceux qui voudront visiter les chalets, ben, ça va être ouvert ce week-end déjà, dès vendredi, je crois. Voilà. Et sinon, sur la place d'Ormièrement. Donnez l'adresse, peut-être, tout simplement. Numéro de téléphone. Ah, puis il y a l'adresse aussi. Non, l'adresse. Mais l'adresse. Nous, on va parler de notre zone d'écoute. Voilà. L'adresse. Non, mais je ne parlais alors, pas de l'adresse. Résonance FM. Notre petite sœur en parlera aussi, je suppose. Oui. Alors, on va donner l'adresse exacte de ce marché de Noël, donc qui se situe dans les locaux du magasin Gamvert, qui accueille ses producteurs et ses artisans. C'est 23 bis Faubourg d'Épinal, pour ceux qui ne connaissent pas ces espaces-là. Donc, 23 bis Faubourg d'Épinal à Remiremont. Pour retrouver, grâce au GPS, entre autres, pour les personnes qui viennent et qui ne connaissent pas l'espace de Béchamp, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Béchamp et s'appelle le lycée Malraux, si j'ai bien compris. Oui, non, je ne sais pas, voilà. Moi je ne savais même pas que voilà, ça s'appelait, voilà. Donc ça s'appelait pour Béchamp. Donc, voilà, c'est l'ancien lycée Béchamp, ce secteur. Et puis c'était l'ancien site de la filature de Béchamp. Voilà. C'est pour ça que je reprends le terme Béchamp, voilà. Parce que c'était la filature de Béchamp. Autrefois. Mais pour les personnes qui viennent de tout le département. Et de Haute-Saône. Et de Haute-Saône, voilà. Donc on vous rappelle... l'adresse de ce magasin. Eh bien, voilà. Il ne nous reste plus qu'à remercier Bernadette et puis Eddy d'avoir répondu à notre invitation. C'est et puis vous donner rendez-vous, bien sûr, à ce marché de Noël. Quant à moi, ben, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une émission de La Parole est à vous. C'est un magazine juridique avec Nancy. Voilà. À très bientôt. Merci, au revoir. Et bonne fête de Noël à tous.